dit : Je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal, ni pour vous mettre sur le chemin droit.